Attention, attention, il reste 16 minutes avant l'apocalypse. Nous vous prions de rester calme et de ne pas paniquer. Oh non, Oli! Quoi? On va encore mourir. Pas encore? Ça, mais la bonne nouvelle, c'est que ça faisait quand même longtemps qu'on n'était pas mort. Hein? Ben ouais, on commence à s'ennuyer, là, tu sais. Quasiment. Alors, bonjour à tous et bienvenue aux 16 minutes de l'apocalypse. Environ 16 minutes. Ouais, environ. Il est présentement 14h quelque chose en ce beau vendredi 3... Juillet. Juillet? Ouais, moi je vois 7. Toi j'étais là, 7, c'est quel mois déjà? C'est juillet. C'est juillet. Ouais. Puis là tu me disais tantôt que c'était le site de Fantasia aurait dû être en ligne. Ouais, c'était écrit. Il ne l'était pas. C'était écrit qu'il serait en ligne aujourd'hui, puis il l'était pas là. Puis là t'es-tu triste? Ben, je suis très triste là. Je fais pas de jeu de mots avec tes tristes, s'il te plaît. J'attendais que... J'allais te laisser l'honneur, là. Ah, t'es fin. Merci. Qu'est-ce qu'on a à dire dans les 16 minutes de l'apocalypse? Bah, d'habitude, toi, t'as plein d'affaires à dire, là. Ouais. Mais toi, t'as-tu quelque chose à dire pour commencer? Pour commencer? Ouais. T'as-tu éteint ton téléphone de brigade? Hein? T'as-tu éteint ton téléphone de brigade? Oui, j'ai éteint mon téléphone de brigade. Puis toi, t'as-tu éteint ton sel? J'ai pas de sel, moi. Ah bon, ben c'est parfait. Pas David, moi, là. David, y a-tu éteint son sel? Probablement pas, mais il est pas là, fait qu'on s'en fout. Peut-être qu'il va, comme, arriver chez un de nous deux pour faire sonner son cellulaire. Ou peut-être qu'il va appeler sur mon autre ligne. Bon, étant donné que c'est vraiment pas intéressant, ouais. Oli, je vais t'apprendre une nouvelle fabuleuse. Mais c'est jamais intéressant, les 16 minutes, voyons. Jamais. Mais je vais quand même t'apprendre une nouvelle fabuleuse que il y a probablement... juste toi que ça va intéresser. Oh, ok. Fait que, dans le fond, les gens qui écoutent ça, sautez ce bout-là. Ouais, et vous pouvez aussi sauter puis vous rendre 16 minutes plus tard. Ouais, mais là, ça va être fini. Ben, c'est à peu près ça. Ah. Tant qu'à sauter les bouts de plates. Ok. C'est très vendeur. Oli, est-ce que tu savais que... Bon, tu connaissais sans doute l'existence du numéro de téléphone 1877 Canette. Ben oui. J'étais avec David quand on l'a découvert. Eh oui, étant donné que c'est toi qui m'en a parlé pour la première fois, peux-tu me rappeler qu'est-ce que ça faisait déjà? Je pense que ça appelle à Russie-Québec. Mais ça marchait plus pendant un temps, hein? Ouais, à un moment donné, ça nous donnait un autre numéro, genre ça disait Russie-Québec a changé de numéro, je sais pas trop, appelé à tel numéro. C'est triste, ça, quand même, hein? Ouais, c'était très triste. Parce que je sais que t'appelais là régulièrement sur les téléphones publics à la ronde. Pas régulièrement, de temps en temps. Parce qu'on de on temps l'a en vu temps, sur quand même. Tu sais, les caisses là, que c'est marqué qui ramassent les canettes consignées. Hein. On a vu le numéro de téléphone là-dessus. Puis là, moi puis David, on a appelé. Puis là, David. Parce il a que laissé... c'était gratuit, parce que c'était ouais, un numéro 1877. Fait que là, David, il a appelé. Puis il a laissé un message en se faisant passer pour Sébastien. Puis là, il a donné le nom de Sébastien avec son numéro de téléphone. Il demandait de le rappeler. Hey, super. Mais sais-tu quoi? Voilà. Parce que là, tu me disais que ça marchait plus. Ouais. Mais maintenant, là, ça marche. T'as essayé? V'là à peu près un mois, parce que j'ai écrit ça sur la feuille de route depuis longtemps. Okay. J'ai vu une annonce sur le bord de l'autoroute. C'était écrit avec... Un 877 Je sais pas quoi, d'écrit, là, puis c'était écrit 1877 Canette. Ouais. Ouais. Fait que là, j'ai dit, faut absolument que j'en parle à Oli. T'as-tu appelé? Non. Toi? Non. Ça te tente-tu d'appeler maintenant? Mais là, ça pose problème, non? Ouais, j'avoue que je peux pas pogner mon autre ligne. Parce que, ouais, on précise qu'on enregistre ça sur chacun de notre téléphone. Puis que si je veux utiliser le téléphone de notre autre ligne, il est un petit peu loin. Tu peux alors, pas avec ton ordi? On va passer à un autre sujet, parce que, à moins que t'aies quelque chose à rajouter là-dessus. Mais tu peux pas avec ton ordi? Oui, mais c'est bien trop compliqué, puis ça me tente pas. Bon, ok, ben non. Ben d'abord... amusez-vous à appeler là, puis laissez des messages pour vous faire passer pour la brigade SNW puis dites notre numéro de téléphone, c'est-à-dire 514-90-PIRATE. J'espère qu'on va être synchro pendant qu'on dit ça. Peut-être pas. Et donc, est-ce que tu veux parler? Parce que je pense que tu as reçu un colis. Ouais, ben c'est ça, parce que moi là, ok. Tu sais, je suis tellement hot là que j'ai reçu un colis par la poste. Ouais. Tu sais, on reçoit jamais ça, des colis, là. Moi, j'en reçois quand même assez souvent. Non. Oui, oui. C'est juste le monde important dans les films qui reçoivent des colis, genre. Tu sais, des colis mystérieux là, dans les films. Ah, oh, attends, t'as reçu un colis mystérieux? Non, ben, il était pas mystérieux. Mais j'ai reçu un colis, fait que ça veut dire que je suis important. Est-ce qu'il y avait une bactérie dedans? Non, Est-ce que, ben, pourquoi? c'était-tu la bactérie E. coli? Ben, je sais pas, là. Il me semble que il y a un colis qui reçoit des affaires de même. Des bactéries? Y a un colis, colis. Ah, ah. Oh, tu fais des jeux de mots, toi, là? Ouais. Là. Puis là, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On s'était dit qu'on faisait plus de jeux de mots poche dans les podcasts 4, fait que tu les as toutes gardées pour les 16 minutes, c'est ça? Oups. On s'excuse, on a eu des petits problèmes techniques. Ouais, des choses qui arrivent, là. Fait que ce qu'on a décidé, là, pour se faire pardonner, on a décidé de repousser un petit peu l'apocalypse. Ben, pas trop, là, tu sais. Pas trop. Une dizaine de minutes. Ouais, ben, il reste une dizaine de minutes. Il reste un, ouais, c'est ça. Devrait être correct. Ben, oui. Bon. Hein, parce que, tu sais, l'apocalypse, c'est le fun, mais c'est pas trop vite, hein. On c'est aime ça prendre notre temps avant pis dire des niaiseries. Faut pas que ça nous empêche de dire ce qu'on a à dire, là, tu sais. Comme nos jeux de mots sur le E-coli. Ouais, tu sais, hein? Jeux de mots. Qu'il y a rien coli qui a ça. Bon, ouais. Ouais, bon. Ben c'est ça, je disais que c'est ça. Il était poche une fois, puis là, je viens de le répéter. Ouf! Fait que je disais que j'ai reçu un colis, hein. Ouais, mais tu nous as pas dit ce qu'il y avait dedans. Ben non. Mais est-ce que tu vas nous le dire? Tu peux peut-être deviner. Je sais pas, t'as commandé quelque chose? Ouais, parce que je t'avais achalé full, là, pour savoir comment ça marchait, là. Ah, qu'est-ce que c'est? Oui, tu m'en as parlé, c'était une affaire sur Amazon. C'était pas un livre? Non. Un jeu? Non. De la musique? Non. Oh non, c'était des DVD de films de Kamikaze Girl. Ouais, il y avait Kamikaze Girl, puis il y avait Dr. Horrible. Dr. Horrible. Ouais. Puis j'ai même pas blog. Encore écouté, mais il faudrait bien. Là. Mais tu les avais déjà écoutés. Ouais, je les avais déjà vus. Mais t'avais pas vu les bonus DVD. Qu'il y avait sur le DVD. Ouais, c'est vrai. Puis là, which is awesome. Je les ai en DVD officiel, tous les deux. Je suis hot. Bravo. Ouais. C'était juste ça. Fait que c'était rien que ça. Mais je veux pas te faire de peine, Ali, mais moi j'ai toujours reçu plein de colis, pis je m'énerve pas avec ça. Ouais, mais. Mais par moi, contre, je connais un gars. Moi, j'en avais déjà reçu un qui avait fait le tour du Canada. Hein? Uh-huh. Ouais. On n'expliquera pas ça plus en détail. Par contre, je connais un gars que lui, ce qu'il a fait, là. Ouais, là. Il a programmé un script, un petit logiciel, que ce que ça faisait, là, ça allait sur Amazon. Ça allait dans genre les trucs à acheter qui sont en bas de 1$. Ou qui valaient 1$. Ça les achetait automatiquement à raison de 1 par jour. Ça prenait l'argent dans un compte qu'il avait créé avec 365$ dedans. Fait que pendant un an, il a reçu des affaires random à 1$. Ok. Ok. Puis, fait qu'il a reçu comme des bouts de tuyaux, il a reçu une espèce de masque de plongée, puis des trucs comme ça. Ouais. Je trouvais ça drôle. Ah, c'est tout? Ben, ouais. Ok, mais il a rien fait de spécial avec tout ça, là. Ben, il a arrêté ça rapidement parce qu'il s'est rendu compte que c'était rien que de la cochonnerie. Ok, mais il a pas fait un catamari ou je sais pas. L'histoire le dit pas. Un cossin pour aller à la lune, ouais. Ah, une pile de cossins, ouais, comme les lapins. Ouais. Non, je pense pas qu'il ait fait ça. Il est plate. C'est dommage. On devrait peut-être y suggérer. Ouais. Mais je sais pas s'il a reçu assez d'affaires. Ben, 365, ouais. Non, il a arrêté. Il a arrêté au bout de vrai 2 semaines. Oh, fait qu'il y en a comme juste 14. Ouais. Il se rendra peut-être pas à l'aide. Imagine s'il avait comme acheté 14 Willy Water. Ouais. Unbelievable. Ok. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Hey! Quoi? Je viens de penser à quelque chose. Parce ouais. que là, tu sais que je suis dans mon trip Doctor Who. Là, je suis en train d'écouter toutes les saisons que j'ai pas écoutées. Hein. Ben, pas toutes. Toutes les nouvelles saisons que j'ai pas écoutées. Hein. Mm-hmm. Puis tantôt, là, dans un épisode, là, il était dans un espèce de couloir, là, dans une usine, ou en tout cas une affaire. Puis là, dans le couloir, là, il fallait qu'il longe un long couloir. Puis là, ils ont trouvé un moyen de transport. C'était quoi? C'était-tu une grosse bine ou une table avec des pattes qui courent? Non. Ah. Oh. C'était des Segways. Des Segways? Des Segways. C'est hot, des Segways. Mais toi, hein? C'est hot, des Segways. Mais c'est ça, c'est pour ça que je te le dis, je sais que t'aimes bien ça, des Segways, même si t'en as jamais essayé. Et donc, on est de retour à cet apocalypse qui, décidément, est très mouvementé. Je te l'avais dit, ça fait comme 2 semaines qu'on essaie d'en faire un puis que ça marche pas. Ouais. Fait que là, l'univers s'acharne pour qu'on réussisse pas à enregistrer, genre. Puis nous, on s'essaye pareil. Ouais. On est comme bien plus hot que l'univers. Ouais. Surtout quand j'ai un journal roulé puis que je tape des gens avec. Ça a d'ailleurs très bien marché, je vois plus personne dans la maison. Puis là, évidemment, on a encore retardé l'apocalypse, fait qu'on a remis du temps sur le timer. Ce qui fait que cet apocalypse-là, tu sais, il était cédulé pour à peu près 2h30, puis là, il va être rendu à peu près 4h moins quart, ou je sais pas quoi, là. Bon, mais c'est pas grave, ça, c'est... L'apocalypse, ça sert à ça. Pas d'horaire fixe, là. Non, non, décidément, non. C'est comme, il y a un horaire mou. Son oreille, il est tout mou, fait que ça se tire, c'est malléable. Et parlant de mou, check bien la transition, sais-tu qu'est-ce qu'on a acheté chez nous? Le lien qui tue. Ma sœur, elle s'est acheté des moules à gâteau en mou. Des moules à gâteau en mou. En mou. En mou. Ouais, c'est comme en silicone, je pense. Puis là, ça va dans le lave-vaisselle, là, puis là, ça va dans le four, puis c'est comme magique. Pis c'est mou? Ouais, puis c'est mou. Ils sont comme rouges, ils sont mou. Elle avait reçu une carte cadeau je sais pas où pour aller chez dans un magasin qui vend des trucs de cuisine, puis elle est revenue avec des moules à gâteau en mou. Puis on les a utilisés, puis ben, ça vaut lave-vaisselle, puis c'est comme... Je pense que ça colle pas, mais parce si que c'est mou. Tu peux-tu les plier puis faire des avions en moules à gâteau? C'est pas si malléable que ça, là, mais presque. Ok. Donc, quand même... Ouais, c'est cool. Mais c'est des moules en mou, c'est bizarre. Hein? Ben c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi l'avantage qu'ils soient en mou? L'avantage. Maudite de bonne question. Ben je veux dire, c'est drôle. Ah ouais, ça doit être pour ça qu'ils ont fait en mou. Ce qui est un méchant gros avantage. Ouais. Fait que dans le fond, il y a quelqu'un qui s'est dit « Hey, je vais faire des moules à gâteau drôles. » Ouais. Fait qu'il les a fait en mou. Ouais, parce que des moules à gaufres, ça, c'est pas si drôle que ça. Mais sauf s'ils sont en mou. Des moules à gaufres, comme dans du professeur... pas le professeur, mais le capitaine Haddock. Qui disait genre moules à gaufres. C'était un peu drôle, mais si son moule à gaufres, en plus, il était en mou, alors là... Ça aurait été bien plus drôle. Des heures d'hilarance. Ouais, d'hilarance. Ouais. Et là, il nous reste à peu près 2 minutes, Oli, pour que je puisse te parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Go. Parce que, Oli, je sais que tu m'as souvent reproché le fait que j'utilisais une bouteille d'eau en plastique. Ouais. Ouais. Tu disais que ça donnait le cancer, hein? C'est moi qui t'ai dit ça ou c'est Seb? Non, mais c'est tout. C'est toi qui me l'as dit en premier. Ah, ça se peut. Ok. Genre, parce que j'utilisais une bouteille, je la remplissais avec de l'eau du robinet, puis là, ça supposément que ça donne le cancer. Là, j'ai fait comme, mais oui, c'est ça, Ali, blablabla. Bla. Sauf que là, depuis ce temps-là, il y a plein de gens qui m'en ont parlé de cette affaire-là. Mm-hmm. Comme quoi que la bouteille d'eau, ça donnait le cancer. Puis là, ben, je suis pas content. Non. Je suis pas content parce que je m'en fous. Ok, c'est bon, ça. Parce que, je veux dire, je comprends pas les gens qui disent ça. Le monde, ils disent... Il faut pas que tu remplisses ta bouteille d'eau. C'est ça comme qui est reproché. Puis c'est vrai, j'ai vu ça dans des magazines en plus. Là. Ouais, bon, c'est des affaires genre le 7 jours, des trucs comme Si tu réutilises trop souvent, le plastique finit par comme se décomposer dans ton eau. Ouais, quelque chose de même. Là. Sébastien, il pourrait te l'expliquer en détail avec ses patentes de molécules qu'on comprend rien. Là. Ouais, mais tu sais ça, là, quand on y pense, là, tu sais la bouteille d'eau que t'achètes au magasin... Là, oui, mais non. L'eau est restée bien plus longtemps dedans. Et rester peut-être au-dessus d'un mois, alors que moi, ma bouteille d'eau, je l'ai remplie à matin. Ouais, je sais. Hein? Fait que... Je sais, j'avais dit la même affaire, mais il m'avait sorti une explication que je me rappelle plus. Ah, tu penses qu'il y a une vraie explication? Ben, je pense que oui. Mais... Parce qu'ils vendent des bouteilles d'eau en plastique pas pareil, qui se défait pas, là. Mais écoute, je vais quand même pas acheter plein de bouteilles de plastique puis détruire l'environnement avec plein de plastique. Les bouteilles en plastique dur, là, bon, c'est pas mou, là, je m'excuse, mais les bouteilles en plastique dur, là, genre les numéro 7, là, tu sais, les plastiques numéro 7, là, ils vendent des bouteilles en ça puis que ça se décompose pas dans l'eau puis que tu peux réutiliser. Ah, ça serait peut-être intelligent. Mais moi, j'utilise ma vieille bouteille en plastique toute décrunchée. Parce qu'elle est mou? Pas parce qu'elle est mou, parce que je l'ai eu au palais. Ouais. T'entends-tu ce qui sonne? De loin, oui. De loin, oui, tu l'entends. C'est comme le four de l'apocalypse. C'est... ouais. Mais là, on l'a-tu assez retardé ou... On va l'arrêter. L'apocalypse? Non, j'ai arrêté le four. Ah, ok. Sinon, il est semé. Donc là, malheureusement, on avait pas mal fini de parler, là. Ouais. C'était comme... très intéressant encore une fois. Oui. C'est mouvementé. Ouais, on peut dire ça de même. Sauf que le bout où t'as été battre des gens va être coupé au montage. Ouais, mais... Est-ce que c'était drôle? Ben... Je t'ai quand même mis sur le speakerphone pour que t'entendes. Ouais, mais c'est tout le temps de même chez vous. Vous êtes tout le temps en train de vous taper dessus. Hein. Est-ce que tu peux témoigner sur ton expérience de témoin de ça? Hein? Ou on peut aussi conclure là-dessus. Ouais, bonne idée. Bonne idée. Là, oui. Fait que là, qu'est-ce qu'on on meurt, là? Ben, faudrait bien, hein. Ah, je note pas encore. Ben, c'est ça l'idée, hein. Bon, ben... Puisqu'il le faut, qu'est-ce qu'on fait? On crie? Ben ça fait boum, puis on n'a pas le temps de crier. Boum, puis on n'a pas le temps de crier.